avant qu'il ne soit trop tard, j'aimerais découvrir des mondes inconnus. Avant qu'il ne soit trop tard, je voudrais que mes fantasmes ne soient plus des désirs défendus. Avant qu'il ne soit trop tard, j'exige que ma main ne soit plus hésitante. Devant la feuille blanche où se perdent tant de mots, que pour toi, mon ami, de ton regard sévère, qui condamne tant de choses, je ne sois plus une ombre impalpable, un mirage. Avant qu'il ne soit trop tard, je ne veux plus vivre vos sabbats infernaux, où l'amitié s'égare dans l'hypocrisie et la peur du nouveau. Une lueur d'espoir vacille sur mon espérance, comme une barque chavire sur un océan de goudron. La démarche incertaine, je suis là devant vous et je tremble. Comme le condamné fumant sa dernière cigarette, comme un chien éperdu qui pleure son malheur pour un maître éloigné. Il existe encore des contrées où notre esprit divague, comme au soir d'un orage, lorsque les ténèbres étendent leur noir manteau et que le ciel s'éclaire d'étranges phosphorescences. Il y arrive des morts par les quatre vents, et quand ils sont réunis sous le coup de minuit, ils se mettent à jouer aux cartes. Le temps ne compte plus, cela peut durer des heures. Avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant C'est la grande folie qui vous obsède et vous fout droit. Notre sainte dame, notre sainte dame, notre sainte dame, secourez-moi. Notre sainte dame, notre sainte dame, notre sainte dame, secourez-moi. Le glacelé, le glacelé, le glacelé pour nous mes frères pour le trépas. Le glacelé, le glacelé, le glacelé pour nous mes frères pour le trépas. Le visage inondé, le visage inondé, le visage inondé ne soit pas le plan glacé. Le visage inondé, le visage inondé, le visage inondé ne soit pas le plan glacé. Dans toutes les chaumières, dans toutes les chaumières, dans toutes les chaumières, elle est entrée. Dans toutes les chaumières, dans toutes les chaumières, dans toutes les chaumières, elle est entrée. Fermez la grande porte bébé, fermez la grande porte bébé, fermez la grande porte pour éviter sa lamentation. Fermez la grande porte bébé, fermez la grande porte bébé, fermez la grande porte pour éviter sa lamentation. C'est la grande folie, ah, c'est la grande folie, ah, c'est la grande folie qui vous obsède et vous fout droit. C'est la grande folie, ah, c'est la grande folie, ah, c'est la grande folie qui vous obsède et vous fout droit. Notre sainte dame, notre sainte dame, notre sainte dame, secourez-moi. Notre sainte dame, notre sainte dame, notre sainte dame, secourez-moi. Le glacelé, le glacelé, le glacelé pour nous mes frères pour le trépas. Le glacelé, le glacelé, le glacelé pour nous mes frères pour le trépas. Le visage inondé, le visage inondé, le visage inondé ne sent pas le plan glacé. Le visage inondé, le visage inondé, le visage inondé ne sent pas le plan glacé. Dans toutes les chaumières, dans toutes les chaumières, dans toutes les chaumières, elle est entrée. Dans toutes les chaumières, dans toutes les chaumières, dans toutes les chaumières, elle est entrée. À la pointe du Raz, il faisait un temps affreux. Le vent soufflait en ouragan, et la mer se brisait contre les rochers du rivage, avec un bruit de tonnerre. La baie des Trépassés ressemblait à une chaudière en ébullition, où tourbillonnaient ensemble le flot et le sable. L'île de Saint au large s'enveloppait d'un noir nuage, et le passage qui la sépare du continent était sillonné de vagues énormes. Haut comme des montagnes qui se pressaient, se bousculaient, s'entrechoquaient, en serrant les récifs dans le remous gigantesque, la crête sainte d'une couronne d'écume. d'elle-même la prière du matelot montait aux lèvres. Mon Dieu, secourez-moi pour traverser le rat, car ma barque est petite et la mer est grande. Ainsi qu'un vol de mouettes, chassées par la tourmente, les barques des pêcheurs avaient regagné les criques et s'étaient mises à l'abri. Un beau bateau revenant d'une diamants dorés d'argent. Clapotine part sur le sable et pas de bateau ruisselant. Clapotine part sur le sable où se battent les goélands. Lena, fille trop sage, entends-tu donc frapper? La nuit est si noire et la neige est tombée. N'ouvre pas la porte et tourne bien la clé. Bac à ta besogne comme si de rien n'était. Bonne autant que belle, elle tenait table ouverte aux passants. Mets-toi, lui disait, tu ne vois pas, le malheur vient d'entrer chez toi. N'accepte pas ses sabots, où se cache le pire des plaisirs. Ils étaient superbes sous leur vernis doré, les sapots de reine que Léna a chaussés. Sous sa coupe lande, le diable a ricané. Voici vos étrennes, je vous prie, acceptez. Pourquoi hésiter, puisque je vous les donne à l'instant? Je ne demande rien en échange. Ils vous appartiennent à présent. Postée devant la glace, elle sourit. Une bouffée d'orgueil l'envahit.

la voile du rase. Il faisait un vent affreux. Le vent soufflait en ouragan et la mer se brisait contre les rochers du rivage avec un peu de tonnerre. La ville très passée ressemblait à une chaudière en ébullition. Autour d'y aller ensemble, je flotte, je sable. L'île de Saint-Olage s'enveloppait d'un noir nuage. Et le passage qui la sépare du continent est question des vagues énormes. Ouh, comme des montagnes qui se pressaient, se bousculaient, s'entrechevaient, en serrant les récifs dans les rouges gigantesques. La traite simple des opéras de l'écoule. D'elle-même la filière d'une amour dans cette olette. Mon Dieu, secourez-moi pour traverser le rat. Car ma barque est plus vite, il avait des grands. Ainsi qu'un vol de bois est chassé par la tourmente. Les barques des pêcheurs avaient un rôle électrique et s'étaient mises à l'abri. Merci beaucoup.

Pilate se retourna et remarqua soudain les cornes du malheur.